que tiene bajo y a ver. Yesu, unipe wimbo wa sifa, niimbe moyoni mwangu baba. Kwenye machozi, kwenye furaha, kwenye mapito, wimbo wa sifa, kwenye hali zote, mimi niimbe, bila kuchoka, wimbo wa sifa. Nisizuiwe na hofu, mashaka wala uoga. Faraja na tumaini lako likawe wimbo. Kama ulinipa baraka, kato sitasumbuka. Mema yanitosha, nipe na wimbo wa sifa. Kwenye furaha, kwenye mapito, wimbo wa sifa, kwenye hali zote, mimi niimbe, bila kuchoka, wimbo wa sifa. De moi, quand je prie, Seigneur, écoute la prière de mon cœur et puis mets ta chanson dans ma bouche. Dans les larmes, je vais chanter. Dans la joie, chanter. Dans les épreuves, chanter. Je de louange, puis il y a les autres. Dans les larmes, je vais chanter. Dans la joie, chanter. Dans les épreuves, chanter. La chanson de louange. Dans tous les cas, je vais chanter. Moi, je vais chanter. Chanter. Sans me fatiguer, chanter. La chanson de louange. Ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni une, ni Bila kuchoka, nimbe tu.